Si le temps qu'il nous reste n'est pas assez pour toi, si l'envie déjà te prend d'aller aimer un autre, accorde-moi l'amour une dernière fois. Je t'en prie, mon amour, serre-moi fort dans tes bras. Et même si je suis fou, oui, faut d'amour pour toi. Dès le lever du jour, je te laisserai partir, puisqu'il n'est entre nous qu'un fragile fil de soie, qu'il n'y a plus d'amour, qu'il ne reste que moi. À danser, dans tous les bars du port, à danser, danser jusqu'à l'aurore. Si le temps qu'il nous reste n'est pas assez pour moi, si l'envie déjà te prend d'aller aimer un autre, accorde-moi l'amour une dernière fois. Je t'en prie, mon amour, serre-moi fort dans tes bras. Et même si je suis fou, oui, fou d'amour pour toi, dès le lever du jour, je te laisserai partir, puisqu'il n'est entre nous qu'un fragile fil de soie, qu'il n'y a plus d'amour, qu'il ne reste que moi. Jusqu'à l'aurore.